Théorie de Kant sur la religion dans les limites de la raison. Quatrième partie. L'Église étant l'image du règne de Dieu, il n'y a de véritable culte divin que le culte moral. On trouve le vrai culte dans une Église, lorsque ses règlements, ses principes et toutes ses observances sont pour but d'introduire la religion pure de la raison, mais le culte est faux et mensonger. Si l'attachement aux observances y est en lui-même considéré comme béatifiant, et si la maxime de tendre à la religion pure de la raison y était regardée comme damnable. La religion, considérée subjectivement, est la connaissance de tous nos devoirs comme loi divine. Cette religion, dans laquelle je dois savoir d'abord que le devoir existe, afin de la regarder comme une loi divine, s'appelle la religion naturelle. Celle, au contraire, qui exige que je sache premièrement qu'il y a une loi divine avant de reconnaître le devoir, est la religion révélée. Celui qui déclare que la religion naturelle est la seule qui soit moralement nécessaire, c'est-à-dire la seule qui soit un devoir, peut-être appelé rationaliste. S'il niait la réalité de toute révélation surnaturelle, il serait ce que l'on appelle naturaliste. Si, tout en admettant cette révélation, il présume que la reconnaître et la tenir pour réelle n'est pas nécessaire à la religion, on peut l'appeler rationaliste pur. Enfin, est-il persuadé que la croyance à une révélation est indispensable à la religion publique, on doit l'appeler supernaturaliste pur. Le rationaliste doit, en vertu de cette dénomination, se renfermer dans les bornes des lumières humaines. En conséquence, il ne niera, comme le partisan du naturalisme, ni la possibilité d'une révélation en général, ni la nécessité de cette révélation, comme moyen choisi par la divinité pour introduire la vraie religion. La question de controverse entre le rationaliste pur et le supernaturaliste, en matière de foi, peut avoir seulement rapport au point de doctrine que l'un ou l'autre admettent comme nécessaire et suffisant, ou seulement comme accidentel à la seule et vraie religion. Quant à la disposition particulière qui rend une religion susceptible de se communiquer à l'extérieur, où elle est naturelle, ce dont, une fois qu'elle existe, tout homme peut se convaincre par sa propre raison, où elle est savante, et alors l'érudition dont elle est accompagnée est le seul moyen pour en convaincre les autres. Il se peut donc, dans ce sens, qu'une religion naturelle soit en même temps révélée, quand elle est constituée de manière que par le seul usage de leur raison les hommes peuvent et doivent y arriver, bien qu'à la vérité sans une révélation introductive, elle n'eût été ni aussitôt ni aussi généralement répandue. Dans cette religion subjectivement révélée, la révélation n'est pas indispensable. Une fois cette introduction opérée, il se pourrait même que, dans la suite, le souvenir d'une révélation surnaturelle se perdît entièrement, sans que pour cela cette religion fût moins facilement comprise, moins authentique, ou exerça moins d'empire sur les âmes. Mais il en est autrement à l'égard d'une religion qui, par sa constitution intime, doit nécessairement être considérée comme révélée, si elle n'était conservée dans une tradition certaine, ou dans des livres saints, elle disparaîtrait du monde, il faudrait alors une révélation réitérée de temps en temps ou qui se continua sans interruption dans l'intérieur de chaque homme, sans cette condition. L'extension et la propagation d'une telle croyance seraient impossibles. Mais toute religion, fût-elle révélée, doit en quelqu'une de ses parties, renfermer certains principes de la religion naturelle. La révélation ne peut être conçue comme religion que par la raison seule, parce que l'idée même de la religion, comme obligation exigée par la volonté du législateur moral, est une conception de la raison pure. Ainsi, nous considérerons même une religion révélée, d'un côté comme naturelle, de l'autre comme savante, et nous serons à même de distinguer ce qu'elle a reçu de l'une ou de l'autre de ses diverses sources. Comme religion naturelle, le christianisme doit contenir une croyance morale, facilement comprise de tous et indépendante de toute conviction historique. C'est bien dans ce sens que son fondateur l'a réellement exposé. Pour preuve, nous allons extraire quelques passages des Saintes Écritures. En premier lieu, il dit que ce n'est pas l'observation de certains devoirs civils ou des règlements particuliers de l'Église qui peuvent nous rendre agréables à Dieu, mais que, par la moralité seule des sentiments, les hommes parviennent à lui plaire. Qu'aux yeux de Dieu, le péché commis dans la pensée égale le fait même, et que la sainteté est le but auquel l'homme doit tendre constamment. Que haïr dans son cœur n'est pas différent du meurtre même. Que le tort fait au prochain se compense seulement par la réparation qu'on en fait, et nullement par les actes extérieurs du culte. À l'égard de la véracité, il dit que le moyen coercitif civil, le serment, nuit à l'estime de la vérité, que le penchant, naturellement mauvais du cœur de l'homme, doit être entièrement changé. Il veut que le doux sentiment de la vengeance se change en tolérance, et que la haine pour un ennemi se change en bienfaisance. C'est ainsi, selon lui, que la loi judaïque reçoit son entier accomplissement, ce qui montre jusqu'à l'évidence qu'elle ne peut être interprétée par l'enseignement doctrinal des scribes, mais seulement par la religion pure de la raison, car, prise à la lettre, elle permet précisément tout le contraire, etc. Enfin, il comprend tous les devoirs dans une règle à la fois générale et particulière. Générale, fait ton devoir sans autre motif que la considération immédiate du devoir même, c'est-à-dire aime Dieu, législateur de tous les devoirs, par-dessus toute chose. Particulière, quand il dit, aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire coopère à son bonheur par une bienveillance dénuée de tout motif d'intérêt. Ces ordres ne sont pas seulement des lois de vertu, ce sont des préceptes de la sainteté à laquelle nous devons tâcher de parvenir, l'effort que l'on fait pour y arriver s'appelle vertu. Ces dogmes expressifs et vivifiants de la croyance religieuse sont les seuls signes dont est besoin et qu'admette le fondateur de la véritable Église, pour témoigner de sa dignité suprême, comme aussi de sa mission divine. L'appel à la loi mosaïque ne peut se concevoir comme le fondement ou la confirmation de cette inébranlable et sainte vérité qui porte en soi la lumière, mais seulement comme un simple moyen d'introduction au milieu d'hommes qui tiennent en aveugle à l'ordre ancien et dont les esprits, obsédés par une croyance de convention, sont presque incapables de comprendre une religion qui s'adresse à la raison. C'est pourquoi personne ne doit être surpris, quand un récit qui se trouve accommodé aux préjugés de ce temps, est énigmatique dans notre siècle, et a besoin d'une interprétation laborieuse, bien qu'à la vérité une doctrine religieuse y apparaisse de toutes parts, et que souvent même l'attention soit expressément dirigée sur ce point intelligible et propre à convaincre, sans qu'il soit besoin d'aucune érudition. Comme religion enseignée, le christianisme contient des faits et des lois réglementaires. Sous ce point de vue, il n'est pas la religion, Mais la croyance de l'Église, ces faits et ces lois ne peuvent même devenir des éléments de la vraie croyance de l'Église, c'est-à-dire de celle qui s'allie avec la religion, que dans le cas où non seulement ils ne contredisent pas la croyance religieuse, mais où ils renferment plutôt un principe qui tend à s'accorder avec elle et concourt à l'unité de la société morale, à laquelle la représentation visible du règne invisible de Dieu est indispensable. Toute croyance de l'Église contredit la croyance religieuse, quand la partie historique et réglementaire de l'une est prise pour le fondement de l'autre, ou, en d'autres termes, quand la première est mise à la place de la seconde et se trouve ainsi considérée comme l'essence de la religion. Si le christianisme contenait en soi une croyance semblable, il serait pour les savants seul l'objet d'une croyance non morale, mais purement historique. Les ignorants, au contraire, qui ne disposent pas des secours que présente l'histoire, la langue, la critique, etc., n'aurait qu'une croyance qui, étant adoptée sur la simple autorité des savants, serait aveugle en soi et demeurerait-elle jamais. Dans le christianisme pur, la croyance de l'Église doit reconnaître la foi de la raison pure comme principe suprême et dominant. Quant à la doctrine de la révélation, qui est le fondement de l'Église extérieure et ne peut se passer de l'enseignement érudit comme interprète et conservateur, il faut l'aimer et la cultiver comme un moyen simple, mais infiniment précieux, pour donner à la croyance religieuse sa représentation extérieure, pour la mettre à la portée des simples, pour la rendre permanente et faciliter sa propagation. La façon de penser en vertu de laquelle on adopte ce qui est historique et réglementaire comme l'essence de la religion, s'appelle présomption religieuse, et la prétendue adoration de Dieu n'est alors qu'un faux culte de la croyance de l'Église. Le principe subjectif de cette présomption religieuse et de ce faux culte, c'est l'anthropomorphisme, c'est-à-dire la forme humaine attribuée à Dieu, principe d'après lequel nous nous faisons un Dieu tel que nous croyons devoir le faire pour qu'il soit plus facilement gagné dans notre intérêt, pour nous délivrer aussi de la peine importune et toujours renaissante d'agir nous-mêmes sur notre sentiment moral intime. La maxime sur laquelle se fonde une telle manière de penser est celle-ci, qu'on peut servir Dieu par quelque chose d'indifférent en soi, sans moralité, qu'on entreprend dans le but de lui plaire. De là les souffrances volontaires, les pénitences, les macérations, les pèlerinages, etc., actes que l'on considère comme d'autant plus agréables à Dieu, qu'ils ne sont commandés par aucun devoir et qu'étant en eux-mêmes tout à fait inutiles et accablants, il marque d'une manière plus expresse l'intention de servir Dieu. De là encore l'opinion, que la foi pure et simple en ce que Dieu veut et peut faire pour notre amélioration, ou même pour une sainteté et une béatitude qui en sont indépendantes, est louable en soi et agréable à Dieu. Cette opinion conduit à l'illusion et à l'hypocrisie en se confinant une persuasion qu'il est impossible d'adopter pour plaire à qui que ce soit. De plus, elle entretient la croyance servile et lâche, qu'en confessant et en adorant un intercesseur divin, on est dispensé d'employer ses propres forces pour parvenir à une bonne conduite. En général, à commencer par le sacrifice des lèvres, qui de tous est le moins dispendieux pour l'homme, jusqu'à celui des biens naturels dont il eût pu faire une application plus avantageuse à la société, et même jusqu'au sacrifice de sa propre personne qui, sous le froc, est perdu pour le monde, l'homme, livré à un culte faux, offre tout à Dieu, excepté son sentiment moral. S'il dit qu'il lui consacre aussi son cœur, il n'entend point par là changer le genre de vie qui lui est agréable, mais il exprime le vœu sincère que ses sacrifices, ses prières, ses mortifications, ses assiduités au temple, etc., soient acceptées comme un équivalent de ce qu'il se réserve. Confère Phèdre, fable 2, 5. A-t-on pris pour principe un culte qui n'est pas purement moral, mais qui peut, au besoin, réconcilier avec le Dieu auquel il est agréable, à ce que l'on prétend? Il n'y a pas de différence assez considérable dans la manière également mécanique de le servir, pour qu'il vaille la peine de préférer l'une à l'autre. Toutes ont le même prix, ou plutôt n'en ont aucun. C'est pure grimace, que de regarder comme supérieur celui qui s'écarte du principe intellectuel de la pure adoration de Dieu, plus subtilement que celui auquel on reproche de s'abaisser grossièrement jusqu'à flatter les sens. Il ne s'agit pas ici de la différence des formes extérieures, mais tout consiste à adopter ou à rejeter le principe unique de plaire à Dieu, par la seule moralité des sentiments, manifestée dans les actes, ou au contraire par des jeux pieux et de l'inutilité la plus complète. La persuasion qu'on peut agir sur Dieu par d'autres moyens que par la moralité des actions, et le déterminer à accorder une assistance surnaturelle, devrait être appelé magie. Puisque le propre de la magie est de produire des effets surnaturels par des causes naturelles. Mais comme ce mot comprend aussi l'idée d'un pacte fait avec l'esprit malin, il est plus convenable de la regarder comme du fétichisme. L'hiérarchie sacerdotale, gouvernement d'un culte faux rendu à Dieu, est la constitution d'une église, dans laquelle ce fétichisme est exercé et reçu comme une religion, ce qui arrive toujours lorsque les principes de moralité n'en sont pas le fondement et l'essentiel, lorsqu'elles reposent sur les lois, les règles et les observances de l'Église. Certaines formes de l'Église présentent, en effet, un fétichisme si varié et si mécanique, qu'il semble devoir écarter toute moralité, même toute religion, et se mettre à leur place et se rapprocher beaucoup du paganisme. Mais peu importe, le plus ou le moins, là où tout repose sur la nature du principe supérieur d'union. Quand celui-ci impose une obéissance soumise à des règlements comme un service obligatoire, et n'exige point l'hommage libre qui, tout premièrement, doit être rendu à la loi morale, quelque minime que soient les observances prescrites, il suffit qu'elles soient admises comme absolument indispensables, pour qu'elles n'en soient pas moins une croyance fétichiste qui sert à gouverner la foule à laquelle on dérobe sa liberté morale, en exigeant l'obéissance à une église. L'état de cette hiérarchie peut être monarchique, aristocratique ou démocratique, ce qui ne concerne que son organisation, mais quant à sa constitution, elle est et reste toujours despotique sous toutes ses formes, car, partout où les statuts de la foi sont regardés comme lois constitutionnelles, là règne un clergé qui croit pouvoir se passer de la raison, et même enfin de l'érudition doctrinale, parce qu'il est seul interprète et gardien autorisé de la volonté du législateur invisible, parce qu'en cette qualité il dispose exclusivement de la croyance écrite, et que, muni de ce pouvoir, il n'a que faire de convaincre, il n'a besoin que d'ordonner. Comme hors de ce clergé, tout le reste est laïque dans la société, sans en excepter le chef public. L'Église gouverne définitivement l'État, sinon par la force, du moins par son influence sur les âmes, et parle-leur de l'utilité que l'État est supposé pouvoir retirer d'une obéissance absolue, à laquelle la discipline spirituelle accoutume le peuple jusque dans sa pensée. Mais l'habitude de l'hypocrisie mine insensiblement l'honnêteté et la fidélité des sujets, elle les rend rusés, au point de se contenter de paraître remplir leur devoir de citoyen. Comme toute fausse application de principe, elle produit justement le contraire de ce qu'on s'était proposé. Tout ceci est la conséquence inévitable d'un déplacement insignifiant au premier coup d'œil, des principes de la seule croyance religieuse béatifiante, à laquelle il importait d'établir lequel des deux principes devait avoir la première place comme remplissant la condition suprême de la béatification. Distinguer la foi religieuse de la foi ecclésiastique, reconnaître que la première est l'interprète suprême et le but unique de la seconde, que tout ce qui est historique et réglementaire n'est qu'un moyen d'éveiller et de vivifier le sentiment moral, c'est en cela que consistent les vraies lumières en fait de religion. Il est juste, il est raisonnable d'admettre que ce n'est pas seulement un sage selon la chair, savant ou un esprit subtil qui peut être appelé à la lumière, du moins à l'égard de ce qu'elle a de sanctifiant. Cette croyance est accessible à tout le genre humain, mais ce qui est insensé aux yeux du monde, c'est que même l'ignorant, celui dont les idées sont infiniment bordées, doit pouvoir prétendre à cette instruction et à une conviction intime. Tous ont en eux le germe de la religion morale, il peut être développé dans tous par des soins vigilants et sages, et s'élever jusqu'à la conviction de son existence. Non seulement le principe de cette conviction n'est ni moins fixe ni moins invariable que l'essence de la raison même, mais il est aussi intuitif, aussi clair que les dents l'homme la conscience de sa nature raisonnable. Markham Danarchive.org 2021 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.